Arrête donc de te faire des films, invectives assez classiques du discours contemporain et ô combien fausses, s'il est certain que nous sommes happés régulièrement par notre cinéma intérieur, nos pensées, notre imaginaire, notre mémoire et parfois, pourquoi pas, nos hallucinations. La thèse que soutient Lionel Nakache est que notre perception du monde sensible procède de ces mêmes mécaniques cinématographiques. Perception, rêve, souvenir, tout cela peut être formalisé, unifié dans une théorie neuroscientifique du tout du cinéma intérieur, théorie qui louche vers la physique et le passage du discret au continu. Installez-vous confortablement, la séance de projection va commencer. Conscience comme au cinéma, c'est le programme neurologique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Lionel Nakache. Bonjour Nicolas Martin. Ravi de vous retrouver au micro de la méthode scientifique. Vous êtes médecin, neurologue, neurophysiologiste, chercheur en neurosciences cognitives à l'Institut du cerveau et auteur donc de Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience. C'est édité chez Odile Jacob. On vous retrouve dans quelques minutes puisque, eh bien, avant de vous retrouver, c'est le nouvel épisode de notre série quotidienne d'actualité des sciences et de la recherche, le journal des sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans Science Advances. À ses débuts, la planète Terre a eu une atmosphère épaisse et toxique, comme celle de Vénus. Mais la Terre n'a pas toujours été une planète hospitalière. À partir de différentes expériences en laboratoire, une équipe internationale a modélisé son atmosphère primitive. À ses débuts, en pleine croissance, la Terre aurait été impactée par un corps de la taille de Mars. Cet impact aurait créé la Lune et aurait laissé la Terre recouverte de roches en fusion, ce qu'on appelle l'océan magma. Selon les chercheurs, l'équilibre chimique de l'océan magma qui recouvrait la planète aurait laissé échapper de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène et de l'azote. Une atmosphère épaisse et toxique, un peu comme celle de Vénus aujourd'hui. Lorsque l'océan magma s'est finalement refroidi, il est devenu le manteau terrestre et la vapeur d'eau s'est condensée pour former une atmosphère vivable. Comme la Terre est plus grande que Mars, qui a donc suffisamment de gravité pour retenir son atmosphère, et comme elle est moins proche du Soleil que Vénus, cela a permis à l'eau liquide de rester à sa surface. La Terre a donc évité de peu le destin de Vénus. Et on passe au bref. Dans le journal Le Monde, un collectif de 4600 chercheurs a signé une tribune pour dénoncer la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Et ce collectif appelle le président de la République à faire une nouvelle délibération de cette loi. Cela est possible grâce à l'article 10, alinéa 2 de la Constitution. Les signataires parlent d'une réforme indigne, tant sur le fond que sur la façon dont elle a été adoptée. Ils rappellent qu'il n'y a pas eu de véritable débat démocratique, ni de dialogue autour de ce projet. De plus, deux amendements de cette loi, l'un qui écarte le CNU, qui garantit un système de recrutement indépendant des chercheurs, et un autre amendement qui criminalise les mouvements sociaux dans les universités, ces deux amendements ont été passés à la dernière minute, sans aucune concertation ni débat parlementaire. Selon une étude parue hier dans Science Advances à nouveau, il y aurait un immense réservoir d'eau douce au large de Hawaï. Ouais, une équipe hawaïenne a mis au point une nouvelle technique d'imagerie incapable de découvrir de nouvelles sources d'eau sans passer par le forage. À l'arrière d'un bateau, une antenne de 40 mètres de long a été remorquée pour générer un champ électromagnétique. Comme l'eau douce et l'eau de mer n'ont pas les mêmes propriétés conductrices, les chercheurs ont ainsi pu repérer cet immense réservoir d'eau douce, un réservoir souterrain qui contiendrait 3,5 km cubes d'eau, soit à peu près 1,4 million de piscines olympiques. Cette découverte aura aussi des implications pour les îles volcaniques du monde entier. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Aging, l'oxygénothérapie berbère pourrait inverser, sous réserve, le vieillissement cellulaire. Et le vieillissement cellulaire dépend, entre autres, de deux critères. La taille des télomères, qui sont aux extrémités des chromosomes et qui protègent le matériel génétique contenu à l'intérieur. Ces télomères rétrécissent avec l'âge. Et deuxième critère, la sénescence des cellules. Cette équipe israélienne a fait suivre à 35 personnes âgées de 64 ans un traitement à l'oxygène hyperbare tous les jours pendant 3 mois. Cela consiste à inhaler de l'oxygène sous haute pression. Les analyses sanguines, avant, pendant et après le traitement, montrent une baisse significative des cellules sénescentes et surtout un allongement des télomères. Alors c'est peut-être une percée, mais le vieillissement est un processus biologique complexe dont on ne comprend pas encore tous les facteurs. On est donc encore loin du sérum de jeunesse éternelle. Voilà, puis une cohorte aussi très petite, donc encore une fois, on se méfie de ces informations malgré tout. Merci beaucoup Natacha, on se retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine et le journal de la science-fiction. Et si notre perception du réel était une fiction, rassurez-vous, je ne vais pas vous refaire aujourd'hui le coup de l'effondrement de la fonction d'onde et de la position de l'observateur en mécanique quantique. Ça, c'était la semaine dernière, ou il y a 15 jours, d'ailleurs je ne me souviens pas, mais on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Quoique, néanmoins, l'approche qui va être la nôtre et qui va nous occuper aujourd'hui n'est pas totalement étrangère à la physique, comme vous allez le voir. Notre perception du réel nous paraît, sans d'ailleurs que nous en ayons conscience, cohérente. Nous percevons notre environnement de façon continue, le mouvement, les couleurs, le son, tout nous semble être la nature exacte de ce que nous percevons. Et pourtant, si cette perception n'était pas tant le fruit de la captation de nos organes sensoriels, mais une reconstitution de notre cerveau, une interprétation finalement, et si cette perception avait en fin de compte beaucoup plus à voir avec le rêve, avec les souvenirs ou les hallucinations que ce que nous pensons au premier abord. C'est cette conception de la conscience comme interprétation que défend notre invité du jour, Lionel Nakache. Vous allez voir, elle ne date pas d'aujourd'hui néanmoins, comme en témoigne notre archive du jour. Nous sommes en 1966 dans le magazine des sciences. On s'aperçoit que le gros du travail de la perception, c'est le cerveau qui l'effectue et non pas l'œil. En effet, il est faux d'assimiler le processus de vision à ce qui se passe dans un appareil de photo ou dans un appareil de télévision. Ces appareils se bornent à convertir des objets en images. Effectivement, l'œil convertit, lui, des objets en images, mais il n'envoie pas des images dans le cerveau. Ce serait absurde d'imaginer des images qui se formeraient dans le cerveau. En fait, les objets sont convertis en une série d'informations codées en activité mentale. C'est-à-dire, au fond, il se produit dans le cerveau, au moment où la perception se fait, une chaîne d'impulsions électriques qui représente des objets, selon un certain code. Et c'est, je crois, un signe des temps, un signe de la biologie actuelle, que de constater que, dans le problème de la vision aussi, on arrive à, en fin de compte, quand on cherche à comprendre à fond le phénomène de la vision, on arrive à un codage. Et ce codage, qui se produit au niveau du cerveau, est en train d'être compris et analysé. Grâce aux travaux de Hubel et Wiesel, on arrive à déterminer l'activité électrique d'une seule cellule de cerveau à la fois. Ils ont travaillé chez le chat, mais il est très vraisemblable que chez l'homme, c'est exactement la même chose. Voilà Colette Vendrely qui est maître de recherche au CNRS dans le magazine des sciences en 1966. Une réaction Lionel Nakache à cette interprétation finalement du réel qui est une théorie assez ancienne en neurosciences. Oui, absolument. Et cette archive est très très précieuse parce qu'en fait elle montre bien à la fois, comme vous l'avez parfaitement dit, que cette idée en fait, et même cette idée que nous représentons, si on veut introduire ce mot, la réalité, si on veut l'appeler elle aussi comme ça, en commençant par des définitions, c'est une idée qui est très ancienne et qui préexiste même, on pourrait dire, même à la science contemporaine. Évidemment, en philosophie, cette idée de machine à représenter les choses, de représentation du monde, elle a une histoire extrêmement importante. Mais comme le disait cette collègue en 1960, on commençait en 66 non seulement à avoir cette idée, mais à commencer à pouvoir lui donner une chair biologique. C'est-à-dire de commencer, elle citait par exemple, vous savez, Hubel et Wiesel, qui ont reçu le prix Nobel en 81, si je me trompe pas, et notamment pour la découverte, en fait, on pourrait dire d'une des premières étapes de cette machine cérébrale à représenter le monde visuel dans une région qu'on appelle l'aire visuelle primaire. Et en fait, sans revenir dans les détails, ils ont fait une découverte spectaculaire à l'époque qui permettait de comprendre comment était organisée la carte, non pas de la rétine, mais la carte de la première région cérébrale qui reçoit les informations en provenance de la rétine. Et donc, à la fois l'idée est là, et en même temps, elle le dit, c'est très vraisemblable que ça existe chez l'homme. Depuis, on sait que c'est pas seulement vraisemblable, mais que ça existe, en fait, voilà, c'est aussi le progrès de la science, on pourrait dire. Et puis aussi, au-delà de cette première intuition de dire il y a un codage, on est aujourd'hui capable, alors il nous reste encore beaucoup de choses inconnues, c'est pas de la fausse modestie, c'est juste la stricte réalité, mais depuis 66, on a beaucoup évolué sur la compréhension de cette machine à fabriquer du sens et à fabriquer une narration, même lors de la perception, en réalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une continuité tout de même. En tout cas, moi, j'ai perçu une continuité en parcourant votre livre, Le cinéma intérieur, avec vos ouvrages précédents, où il était déjà question de ce triptyque fiction, interprétation, croyance. C'est une sorte de développement du nouvel inconscient. Oui, écoutez, je suis touché que vous le disiez, parce qu'effectivement, on pourrait dire dans les essais, pour moi, mes livres, en fait, sont des façons c'est une autre voie d'accès à la recherche pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, je suis content que les gens lisent mes livres, mais en les écrivant, en fait, c'est une recherche qui se procède aussi, qui me permet de la formaliser, de la développer. Et donc, le nouvel inconscient en 2006 posait les jalons de cette théorie, on pourrait dire, cette conception de la subjectivité, de la conscience revisitée par ces connaissances de la neurologie et des neurosciences contemporaines, dans la continuité de ce que disait justement ce qu'on voyait dans l'archive que vous avez passé. Ensuite, depuis 2006, en fait, comme toutes les domaines qui sont fascinants, je me suis un peu, si vous voulez, j'ai exploré ce domaine sous différentes formes, et notamment en faisant des collisions, on pourrait dire, entre cette théorie-là ou le format de cette idée, de cette théorie, avec d'autres champs. Le champ de l'inconscient dans le nouvel inconscient, le champ de la théorie de la connaissance dans Perdons-nous connaissance, le champ de la connectivité, de la représentation, de la communication même dans les sociétés avec des métaphores dans d'autres livres comme L'homme raisonnable, etc. Et là, c'est vrai que dans le cinéma intérieur, il y a une forme, non pas, c'est pas mon œuvre ultime, etc., mais en tout cas, il y a une forme de synthèse qui permet de revenir à la fois aux idées fondamentales du nouvel inconscient, mais en leur donnant une sorte d'assise plus générale que celle que j'étais capable de formuler à ce moment-là. Vous pouvez nous rappeler en quelques mots en quoi ça consiste, ce triptyque fiction, interprétation, croyance? Alors oui, c'était même pour moi ludique de l'appeler comme ça. C'était évidemment de dire en réalité que ce qui et là aussi on pourrait dire que ces idées, certaines parties de ces idées sont pas du tout neuves. Il s'agit de les réinvestir. C'est de dire qu'en fait ce qui en fait peuple notre scène mentale, en fait notre vie mentale, elle est constituée selon moi de ce que j'appelle justement une sorte de triptyque fiction, interprétation, croyance. C'est-à-dire qu'en réalité, une première chose qui tombe peut-être pas sous le sens justement, c'est que ce que nous avons à l'esprit fait toujours sens pour nous. C'est très rare d'être face à des situations de néant, c'est-à-dire d'absence de signification. C'est-à-dire même l'idée du néant est une idée qui est structurée, qui est riche. Mais lorsque vous êtes, on peut trouver ça dans certains états limites ou dans certaines pathologies psychiatriques, lorsqu'on est vraiment, on fait l'expérience du néant, de l'absence de la capacité à faire sens des choses, c'est en général une situation extrêmement angoissante, presque psychotique, c'est quelque chose de terrible. Donc en réalité, la plupart du temps, et même dans nos rêves, etc., comme vous le disiez tout à l'heure, ce que nous avons à l'esprit, ce qui peuple notre esprit, ce sont des choses qui ont une forme de signification. Et cette signification, j'aime bien l'appeler une fiction, non pas pour dire que c'est faux. Souvent, les gens utilisent le terme de fiction pour dire la fiction par opposition à la réalité. Pour moi, c'est pas ça. C'est la fiction, ce que je veux dire par là, c'est que, avant tout, une fiction, telle que je l'appelle, elle peut être correcte ou pas, c'est une autre question intéressante, mais avant tout, elle fait toujours sens aux yeux de celui qui s'en occupe, qui en est l'hôte, si on veut dire. Nos fictions, c'est le sens que les choses ont pour nous. Et donc, ensuite, d'utiliser ces deux autres noms qu'interprétation, c'est qu'on a des processus interprétatifs qui cherchent à produire du sens à tout prix, de manière irrépressible, et auxquels on accorde une certaine confiance, une certaine croyance. Parfois, on peut remettre en cause certaines de nos croyances, certaines de nos fictions dans la vie de tous les jours. Quand par exemple, vous croisez quelqu'un et en fait, vous croyez avoir vu quelqu'un et en fait, vous réalisez une fois que vous prenez conscience de ça, vous dites « j'ai vu Jacques ». Et vous réalisez soit que Jacques est mort, soit que Jacques est en Australie, vous êtes capable de mettre à jour votre fiction et de dire « bon, en fait, c'était pas ça ». Donc, on peut avoir une certaine malléabilité, mais il y a aussi certaines de nos idées, certaines de nos pensées, certaines de nos fics, comme je les appelle, voilà, sur lesquelles on a beaucoup plus de mal à exercer une critique. Par exemple, là, je suis en train de parler avec vous, j'aurais beaucoup de mal à disqualifier ma confiance, voire ma croyance subjective dans le fait que je suis en train de parler avec vous. Voilà, donc, et fic, évidemment, fiction, interprétation, croyance, les trois mots, évidemment, forment le début du mot fiction, donc je trouvais ça ludique aussi de l'appeler comme ça. Voilà. C'est intéressant, ouais, parce que je voulais vous faire redéfinir ça, parce que on y reviendra et on va essayer de boucler notre conversation justement avec cette notion de la quête de sens contre la quête de vérité. On va voir que c'est tout un trajet qui va mettre ces deux quêtes en regard et je trouve ça assez passionnant. Un mot encore, peut-être Lionel Lacache, avant de rentrer dans le corps de ce livre, sur le cinéma intérieur, cette image du cinéma, ça aurait pu être les voix, je ne sais pas, mais enfin, c'est le cinéma, non, c'est pour des raisons un peu plus concrètes que ça, mais c'est parce que, comme vous l'écrivez, c'est un filtre systématique de compréhension du réel, ou c'est parce que, comme on le sent à la lecture de ce livre, vous entretenez un lien particulier avec le 7e art? Ben, écoutez, je crois qu'il y a, il y a un peu de tout. Autrement dit, effectivement, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre en le combinant avec aussi, voilà, mon statut de cinéphile. C'est intéressant d'ailleurs de remarquer que le fait que le cinéma soit un art très populaire et soit resté un art très populaire, voilà, c'est aussi quelque chose qui est assez remarquable. Et on est très nombreux, je pense que la plupart des gens se qualifieraient de cinéphiles, ont des expériences, des émotions, des rapports, des références, etc., cinématographiques. Donc, il y avait un côté de plaisir à le faire. Et d'ailleurs, ce qui est drôle aussi, je ne sais pas s'il y a un lien, j'en parle un petit peu, c'est qu'il s'avère que le livre précédent, c'était un livre autour des, on pourrait dire, des filles et de la sexualité en général, et qui passait par Molière, voilà, sans revenir là-dessus, qui s'appelait « Nous sommes tous des femmes savantes ». Et donc là, j'avais croisé les filles avec le théâtre, on pourrait dire, en tout cas celui de Molière. Donc je ne sais pas pourquoi, si je suis passé du théâtre au cinéma, s'il y avait une sorte de dérive des spectacles vivants vers le cinéma. Mais comme vous l'avez dit, en fait, de manière la plus sérieuse pour moi, ce livre a commencé vraiment cette prise de conscience d'une sorte de premier niveau très métaphorique qui rapproche les deux. Et je pense qu'on va évidemment en parler, qui donne à la métaphore une assise assez solide. Et ce qui m'a vraiment plu dans l'écriture de ce livre, en l'explorant, c'est qu'au début, ça commence comme une métaphore, et ça reste une métaphore, évidemment. Mais lorsqu'on file cette métaphore, on arrive, comme vous l'avez dit au tout début, sur des questions parfois assez vertigineuses, et même des jeux de miroir entre la conscience et le cinéma. Oui. Et même à re-questionner en fait l'art cinématographique sous un angle peut-être pas tout à fait habituel. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Juste un mot, on sent une sensibilité particulière pour le western et pour Sergio Leone. C'est juste. Oui, écoutez, c'était là aussi. On maîtrise pas tout ce qu'on. Voilà, évidemment, comme on fabrique du sens nous-mêmes, on n'échappe pas à notre propre statut. Donc je serais bien. Bien impudent de penser maîtriser pourquoi les choses se jouent en moi comme ça, mais en tout cas, à la fois c'est des westerns, dans les films que j'aime, ces grands duels un peu existentiels, éternels, comme ça, qu'on a tous vus, sont assez, occupent une place particulière, et il s'avère, là aussi, c'est un aspect c'est peut-être pas le plus intéressant, mais moi j'écoute beaucoup de musique pour travailler, ou pour me promener, ou pour écrire aussi, et il s'avère que pendant l'écriture et pendant cette période, j'ai beaucoup écouté, je suis passé d'un registre à l'autre, de la musique de Lully à la musique de Sergio Leone. Et il s'avère qu'en fait, je suis tombé à la fin du livre sur quelque chose qui est non pas une expérience mystique, mais un rapprochement entre les films de Sergio Leone, en tout cas entre la conception du cinéma peut-être de Sergio Leone. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'en réalité, dans ces duels éternels, vous savez, je ne sais pas si vous-même vous êtes un amateur de ces films, mais un peu. Mais voilà, c'est des duels suspendus pendant des longues minutes, des gros plans serrés sur les regards, et en fait, au bout d'un moment, on ne sait même plus vraiment pourquoi ils sont en train de se battre. En fait, on sait juste qu'ils sont engagés dans une lutte à mort. Et quelque part, il y aurait quelque chose comme dire, voilà, en croisant avec ce livre, de dire, in fine, malgré tout, à la fin, ça sera ton cinéma intérieur ou le mien. Ça peut pas être les deux, voilà. Et donc, il y a peut-être une sorte de questionnement presque existentiel du cinéma intérieur. Dans ces duels. Bon, alors les gens rigoleront peut-être, je ne me prends pas moi-même très au sérieux en disant ça, mais il y a quelque chose d'assez amusant. Moi, je veux bien lire votre métaphysique neuroscientifique du western sans aucun problème. Allez, on va continuer cette émission. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Apparemment, on n'utilise qu'une infime partie de notre potentiel cérébral, mais quand on est éveillé, en étant dormi, l'esprit est capable d'à peu près tout. C'est-à-dire ? Imaginez que vous décidez un immeuble, d'accord ? Vous en créez consciemment chaque aspect. Mais on se demande par moments s'il ne se crée pas tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, comme si je le découvrais. C'est ça, l'inspiration authentique. Durant le rêve, notre esprit fait cela continuellement. Nous créons et percevons notre monde simultanément. Et notre esprit s'en sort si bien que nous ne nous en rendons même pas compte. Et c'est ça qui nous permet d'entrer en plein dans le processus. Comment ? En prenant en main l'aspect créatif. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Vous créez le monde d'un rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y met tout son subconscient. Comment voulez-vous que j'obtienne suffisamment de détails pour le convaincre que c'est la réalité ? C'est que les rêves, ils font vrai tant qu'on est dedans, pas vrai ? Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque qu'ils avaient comme quelque chose d'étrange. Une petite question. Vous ne vous souvenez jamais vraiment du début de vos rêves, n'est-ce pas ? Vous atterrissez systématiquement au beau milieu de l'action. C'est juste, oui. On est arrivé comment ici ? Eh bien, on sort à peine de... Comment êtes-vous arrivé ici ? Réfléchissez, Ariane. Où êtes-vous en ce moment ? On est en train de rêver ? Vous êtes au beau milieu d'un atelier pratique, là, endormi. Vous suivez votre première leçon de rêve partagé. Gardez votre calme. Vous aurez certainement reconnu un extrait d'Inception, le film de Christopher Nolan, cette partie qui se passe d'ailleurs à Paris, dont un bout d'ailleurs est filmé juste sur le pont de Passy à côté, avec ce jeu de miroir assez passionnant. Si on diffuse cet extrait, c'est pour des raisons évidentes, Lionel Nakache, et notamment parce que ce sont les deux premiers films cités dans les toutes premières lignes de votre livre Le cinéma intérieur. Peut-être un mot sur ce lien entre le rêve et la réalité par rapport à ce que vous allez tenter de nous raconter dans ce livre Le cinéma intérieur. Oui, et alors la raison notamment pour laquelle comme vous l'avez dit, dès la première page en fait, ce film et Matrix apparaissent, c'est surtout en fait pour rappeler que cette idée en fait, au cours de laquelle on est en train de discuter ensemble, de l'omniprésence de la fiction, de la reconnaissance du rôle de la fiction dans notre imaginaire, dans notre vie mentale, c'est devenu une idée qui n'est pas seulement confinée à un univers philosophique ou neuroscientifique de la cognition, mais c'est une idée qui est devenue extrêmement populaire. Mmh. Donc c'est pas un scoop de dire en réalité on est des créatures de fiction, tous les grands magazines feront des couvertures là-dessus, voilà, notre vie comme fiction, etc., etc. Mais ce qui me semble intéressant justement, c'est de dire, pour arriver à prendre la mesure de ce que ça veut dire, eh bien je pense qu'il faut revenir aux origines en fait de la fiction, un peu à la généalogie, et donc une première métaphore cinématographique, vous savez, comme dans les films, je sais pas moi, de Superman, etc., ou de Star Wars, d'arriver ce qu'on appelle les préquels, les films qui vont vous raconter les origines des personnages principaux. Et de la même façon, ce que j'avais envie de faire, c'est, ok, tout le monde est d'accord, du storytelling à la vie politique, au marketing, pour dire la fiction, c'est l'élément principal sur lequel on doit réaliser notre travail, les romanciers, évidemment, les cinéastes, typiquement, mais l'intérêt, c'est peut-être pour arriver à comprendre l'importance de cette importance-là, il faut revenir aux origines de la fiction. Comment est-ce que la fiction se construit en nous? À partir d'où elle se construit? Et la théorie forte du livre, c'est de dire qu'en réalité, comme vous l'avez dit, on va pouvoir unifier un petit peu toutes ces modalités de la vie mentale, le rêve, l'hallucination, la perception, le souvenir, etc., dans une sorte de même machine à fictionnaliser, c'est-à-dire à produire du sens. Mais le point important, c'est justement de dire que peut-être, contrairement à l'intuition première, souvent on se dit, on est d'accord pour accepter le rôle de la fiction dans l'imagination, dans nos croyances, dans nos rêveries. Mais ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est de montrer que la fiction, elle commence dès même que vous ouvrez les yeux sur le monde. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas une coupure avec des fictions élaborées et des fictions sans intérêt. C'est que la raison, je crois, pour laquelle nous racontons des histoires et nous ne pouvons échapper à cette production de sens, c'est que cette production de sens, cette machine irrépressible à produire du sens en nous, ces fictions-là, elle opère dès lors que vous ouvrez les yeux sur le monde. Mmh. C'est ça un peu la théorie forte, on pourrait dire, d'arriver qu'il y a un continuum des fictions depuis les étapes qui peuvent paraître les plus banales, en fait. Et il s'avère, c'est amusant, parce que Adel Van Rijt m'avait invité à commenter Inception il y a quelques semaines, voilà, donc c'est un film en plus que j'avais revu récemment et qui est fascinant, c'est vrai. Qui est intéressant. Ce qui est intéressant à Lionel Nakache, c'est ce que vous essayez de faire une sorte de grand travail unifié des neurosciences, un peu à la manière dont la physique essaye de produire cette théorie du tout. Vous dites finalement on peut produire de la théorie et dire que des phénomènes a priori différents que sont la perception, l'imagination, les hallucinations, les rêves ou les souvenirs procèdent en fait d'une sorte d'unité de rapport au réel. Absolument. Et alors évidemment, le parallèle, je suis ravi de pouvoir en parler avec vous, en connaissant votre attrait, votre culture sur l'importance des théories en physique. Commençons évidemment par de la modestie, c'est-à-dire que je suis pas physicien, et puis le type de travail que je suis capable d'élaborer ici est très très loin du formalisme de la physique, qui permet de construire une théorie beaucoup plus explicite, beaucoup plus formelle que ce que nous sommes capables de faire pour l'instant dans les sciences de l'esprit. Mais néanmoins, cette modestie étant affichée de manière sincère, on peut quand même arriver à faire des propositions intéressantes. C'est-à-dire que, peut-être en développer une seule, là, tout de suite, c'est que pendant très longtemps, on s'est interrogé. On s'est dit, bon, lorsqu'on ouvre les yeux sur le monde, on est d'accord pour dire qu'on a une scène visuelle que nous percevons. Voilà, très bien. Et la nuit, quand on rêve, ou même quand on est éveillé et qu'on se lève, qu'on se livre à des activités d'imagination, de rêverie éveillée, ou ce qu'on appelle, nous, l'imagerie mentale. C'est-à-dire, on imagine une vache dans un pré, je dis ça parce que c'est une expérience fameuse. Et puis, une des vraies questions qui alimente même la philosophie depuis longtemps, c'est lorsque vous voyez une vache dans un pré, ou lorsque vous imaginez, vous, mentalement, une vache dans un pré alors que vous avez les yeux fermés, est-ce qu'on parle de la même chose, du même type de contenu mental, disons une image mentale, ou est-ce qu'en réalité il y a une sorte de tromperie, presque de piège nominaliste, c'est-à-dire qu'on utilise le même mot mais pour parler de choses qui n'ont rien à voir en fait entre l'image perçue et l'image imaginée. Alors je ne suis pas physicien et je ne suis pas non plus philosophe, même si j'aime les deux, et donc évidemment il y a une histoire aussi philosophique, de théories philosophiques qui s'affrontent sur cette question-là. Et le point peut-être où nous pouvons apporter quelque chose, et qui est ce premier pas vers l'unification dont vous parliez, c'est qu'un des grands résultats peut-être qu'on peut dater à peu près hein, des années 80-90. L'idée préexiste, mais la démonstration neuroscientifique, elle consiste à dire qu'en fait, les circuits cérébraux et les mécanismes psychologiques qui opèrent dans la perception réempruntent très largement ceux de l'imagination et inversement. Autrement dit, quand vous vous livrez à un processus d'imagerie mentale, vous générez une image mentale en vous, soit lors de, disons, la rêverie éveillée, l'imaginaire, la vie imaginaire mentale visuelle, soit lors du rêve, la nuit, en réalité, on recycle exactement les mêmes circuits cérébraux et donc aussi les mêmes propriétés psychologiques que celles de la perception. Et ce résultat, c'est un résultat, on pourrait dire, de haute lutte. Parce que pendant très longtemps, on pensait, en tout cas certains pensaient, qu'il s'agissait peut-être de deux opérations mentales ou de deux types de catégories de pensées qui n'avaient rien à voir. Et pour autant, aujourd'hui, voilà, et c'est une des thèses fortes du livre aussi, c'est de dire qu'on peut arriver à proposer que déjà, alors vous avez, je pense par exemple à Carlo Rovelli, j'avais lu un de ses livres qui était fascinant sur les théories de la physique, et qui, je me souviens que dans l'introduction, il y avait une belle figure qui montrait dans l'histoire de la physique, comme vous le disiez, progressivement l'unification de tous les phénomènes, l'électricité, le magnétisme, Maxwell, l'électromagnétisme, etc., avec la gravitation, et comment est-ce qu'on essaie de plus en plus à unifier l'ensemble, voilà. Eh bien, alors, on n'en est pas là du tout, mais néanmoins, on peut commencer, donc, typiquement, perception-imagination. Je peux donner quelques exemples. Par exemple, il y a des régions qui sont... La région dont parlait dans l'archive tout à l'heure, pour y revenir, cette région de Hubble-Wiesel, le cortex visuel primaire, eh bien, c'est une région qui est directement branchée sur la rétine. Donc, beaucoup de gens se disaient, elle n'est utile que pour la perception, mais pas du tout pour l'imagination. L'imagination, c'est élaboré, c'est complexe, j'imagine une vache, eh bien, il n'y a aucune raison que ça réemprunte le système visuel ce qu'on appelle de bas niveau du cortex primaire. Et en fait, pour le faire court, lorsque vous générez une image mentale, non seulement vous, cette création d'image mentale, elle se projette, elle réutilise même les éléments les plus basiques de la perception dans le cortex visuel primaire, mais on est même capable de commencer à décoder le contenu de votre image imaginée en s'intéressant, en faisant des classifications, des algorithmes de classement sur l'activité enregistrée dans ces activités, dans ces régions de bas niveau. Et de manière peut-être plus causale encore, des patients qui ont des lésions dans les circuits perceptifs, ils vont avoir en fait des problèmes dans la perception, mais ils vont avoir également les mêmes problèmes dans l'imagerie mentale, dans la capacité à générer les images. Donc, en réalité, on a vraiment une sorte d'unification de la perception et de l'imagination. Alors, évidemment, c'est pas exactement la même chose. Et on pourrait dire, pour le faire très vite, que à la fois, vous avez un système qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire que vous êtes alimenté par le monde extérieur, et puis en même temps, vous avez un système descendant, un système top-down, où vous-même, de l'intérieur de vous-même, vous projetez des connaissances, des inférences, des paris, des fictions sur ce que vous êtes en train de percevoir ou de ce que vous devriez percevoir. Donc il faut concevoir en fait la perception comme un système en fait à double sens. Vous avez en permanence de la montée et de la descente. Mmh. Et selon les états, on est plus dans un circuit qui est en train de fonctionner en mode ascendant, notamment dans la perception. Mais dans la perception, il y a aussi beaucoup de descendants, mais moins que dans le rêve, si vous voulez. Dans le rêve, l'essentiel du phénomène est essentiellement alimenté par un mécanisme interne de projection depuis les niveaux les plus élevés de cette hiérarchie de l'imagerie et de la perception vers les niveaux les plus bas. Comme pour les souvenirs ou pour les rêves. On peut unifier les deux et arriver à qualifier les deux phénomènes. Ce qui est intéressant, si on s'applique, parce que vous allez, ce que vous êtes en train d'expliquer, vous le démontrez, vous prenez quatre points de passage qui sont tous assez passionnants. On peut commencer par le premier, qui est quelque chose d'assez familier et qui va commencer peut-être à faire des nœuds au cerveau, dans le bon sens du terme, de nos auditrices et de nos auditeurs. C'est cette fameuse illusion d'optique de la roue de voiture ou de la roue du carrosse qui vous amène à montrer que notre perception, comme au cinéma d'ailleurs, est une reconstruction. Oui, c'est ça. Et notamment sur l'aspect du mouvement. Et ça, c'est vrai que c'est un moment, en tout cas, je trouve, et on est déjà au moins deux, vous et moi, à trouver ça fascinant. Je suis sûr qu'on est plus nombreux que ça. Plus nombreux. Voilà, plus nombreux. Le point de départ, c'est que c'est peut-être même, je crois que je commence par ça, par cette idée de la magie du cinéma, de commencer par livrer un truisme. Mais vous le savez très bien, en science, souvent, lorsqu'on formule quelque chose de banal, une fois qu'on en prend conscience, parfois les choses deviennent moins banales, quoi. La pomme de Newton, etc., ou tout ce qu'on veut. Donc là, le truc banal, c'est de prendre conscience de quelque chose que tout le monde sait. Je veux dire, là, je n'invente pas la roue, pour autant. Tout le monde sait, tout le monde a appris au collège, ou au lycée, ou dans des reportages, etc. Donc tout le monde sait que quand vous êtes assis au cinéma, eh bien, vous êtes dans votre fauteuil, dans votre salle obscure, confortablement installé, même si là, on peut pour l'instant pas encore y retourner, mais bientôt. Bientôt. Et en fait, on vous projette sur l'écran une série en fait d'images à une vitesse, le fameux 24 images par seconde. Ce qui veut dire que, dont tout le monde sait ça, mais ce à quoi on fait souvent moins attention, c'est que certes, on nous projette 24 images discrètes, donc 24 images séparées les unes après les autres par seconde, à un rythme fixe. Mais nous, notre expérience subjective, notre cinéma intérieur, ce que nous percevons du monde à ce moment-là dans la salle de cinéma, ce n'est pas une suite stroboscopique d'images fixes, on pourrait imaginer que ce soit, mais on perçoit un film continu. Un film, au sens vraiment mathématique, on passe du discret au continu. Mmh. On passe d'une série d'images à un objet mental qui est continu au sens mathématique presque du terme. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas séparer deux images. Comme si, en réalité, notre esprit-cerveau avait produit des images manquantes, l'infinité d'images entre deux images, pour arriver à cette impression de continuité. Mmh. Et si on part de ce principe-là, ça veut dire que déjà, on prend conscience qu'il se passe un truc dingue au cinéma. C'est que quand vous êtes au cinéma, sans être trop provocateur, on peut dire qu'au cinéma, vous faites l'expérience d'un film qu'on ne vous a pas montré. Mmh. On vous a montré une série d'images et vous, vous voyez un film. Donc on a une machine qui transforme du discret et du continu. Voilà, c'est qui reconstitue, une action, qui reconstitue du mouvement à partir d'images fixes. Exactement. Mmh. Et alors peut-être que je ne vais pas rentrer dans le détail de la roue qui tourne à l'envers, mais en fait, la roue qui tourne à l'envers, et si on revient typiquement, comme j'aime bien faire la référence à Matrix, là, de, eh bien, vous savez, dans, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'opus 1 là, de Matrix, vous avez ce... lorsqu'on essaye d'initier le personnage principal, un peu à l'initier à, au monde de la matrice, là, on lui dit, voilà, en fait, ce que tu perçois, c'est il y a parfois des petites anomalies. Et en fait, ces petites anomalies, ce sont des points d'appui pour que tu prennes conscience de la nature exacte de cette perception qui opère dans un univers simulé ou alimenté, bref. La roue qui tourne à l'envers, c'est intéressant, parce qu'au cinéma, on a tous fait l'expérience, dans des westerns ou ailleurs, de voir... une roue qui tourne à l'envers, c'est-à-dire qui tourne dans le sens opposé, dans le sens dans lequel elle est censée tourner. Et alors j'explique rapidement, et c'est pas compliqué, d'expliquer pourquoi est-ce que on perçoit ça comme ça. On peut le résumer rapidement en vous envoyant un petit Twitter, un petit tweet qui va vous expliquer ce phénomène optique pour que vous ayez pas, parce que effectivement à l'oral c'est quand même plus compliqué que de l'expliquer avec un petit schéma simple. Oui, ça dépend en fait. Ça dépend de l'échantillonnage des 24 images par seconde et du mouvement de la roue. Donc en fait, et l'idée toute simple, c'est que si vraiment vous imaginez une roue qui tourne et que vous prenez 24 images par seconde et que vous prenez un point de repère sur la roue, un rayon, etc., il y a des conditions de vitesse et d'échantillonnage qui font que les images successives vont suivre la position attendue du mouvement. Et parfois, ça va être inversé. Et quand c'est inversé, eh bien votre machine à construire du continu, elle obéit à un principe de trajectoire la plus courte et elle va produire une perception qui va dans le sens opposé. Bon, et comme pour plus de détails, voilà, sur le fil Twitter, c'est génial. Un petit résumé de ce paradoxe de la roue qui tourne à l'envers, vous pourrez voir, c'est le fil. Mais là où l'histoire commence, c'est qu'effectivement le point intéressant, et notamment il y avait un chercheur hollandais dans les années 60, en 67, et puis plus récemment dans les années 90, un groupe américain de Dale Perves, et puis d'autres comme en France Ruffin Van Relen à Toulouse et d'autres, qui en fait se sont intéressés au fait que la roue qui tourne à l'envers, évidemment on la voit très souvent au cinéma, mais on peut en faire l'expérience, ce qu'on appelle en dehors du cinéma, c'est-à-dire en lumière naturelle, en lumière continue. Autrement dit, et là j'invite tous les auditeurs, les auditrices à faire attention, la prochaine fois, moi depuis que j'ai écrit ce livre, j'adore voir maintenant sur le périphérique ou ailleurs, voir les roues des véhicules, vous faites attention, c'est pas aussi fort, aussi flagrant qu'au cinéma, mais il y a des situations de la vie de tous les jours où vous allez être sujet à cette illusion de la roue qui tourne à l'envers. Et évidemment, une des façons, c'est pas la seule, il y a différentes façons d'expliquer ça, mais une des façons, et c'est celle que je défends et que j'alimente par tout un ensemble de données qui permettent de construire cette théorie, bien ça veut dire si quand vous êtes en lumière naturelle, il vous arrive de voir la roue qui tourne à l'envers, ça veut dire qu'il y a sans doute en vous, en tout cas ça peut vouloir dire qu'il y a en vous un mécanisme à échantillonner le monde visuel, comme une caméra ou comme un projecteur, et qu'en réalité on est soumis au même phénomène, parce qu'en réalité, nous-mêmes nous procéderions un peu comme cette première magie du cinéma, c'est-à-dire que notre perception du monde, elle serait nourrie par une sorte d'échantillonnage discret de la scène visuelle, que nous remplirions en une expérience visuelle continue. Et d'où vraiment ancrer ce phénomène sur le cinéma intérieur, si vous voulez. C'est ça le point de départ fort qu'on peut explorer. Oui, c'est une idée très forte, c'est-à-dire de dire qu'en fait on ne perçoit que des images isolées. D'ailleurs, je crois que notre taux d'échantillonnage a été mesuré à 13 images secondes, c'est-à-dire à moins que les images pour avoir l'illusion du mouvement au cinéma. Oui, c'est ça. Alors évidemment, le point important, et c'est pas pour faire un pas en arrière après avoir fait un pas en avant, l'idée forte, c'est ça. C'est qu'on a une théorie discrète de la perception. Non pas du cinéma, mais de la perception. C'est-à-dire qu'en fait, mais une fois qu'on le dit, alors on fait des expériences, et il y a des expériences très subtiles, très amusantes, qui permettent justement d'arriver à voir en fait quelle est la fréquence d'échantillonnage du cerveau en utilisant pas mal de conditions contrôles qui permettent, on montre à des gens, par exemple, des roues qui tournent à l'envers pour de vrai, ou des roues qui tournent à l'envers selon eux, et en comparant les deux situations perceptives en enregistrant l'activité cérébrale, on peut voir s'il y a une fréquence d'activité cérébrale qui change. Et pour être sûr que cela ne dépend pas de la fréquence de rotation de la roue, vous le faites dans différents types de rotation. Et bien quand vous faites tout ça, et c'est ce qu'ont fait plusieurs de nos collègues, et bien vous arrivez à isoler une gamme de fréquences. Alors on n'est pas comme de l'horlogerie suisse, mais c'est-à-dire que il faut pas retenir le 13 Hertz comme quelque chose de permanent. 13 Hertz, c'est 13 images secondes. L'ordre de grandeur, c'est ça. Ouais, l'ordre de grandeur. Et d'ailleurs, ça peut changer au cours de la journée, ça peut changer au cours de l'âge, au cours des conditions. Et très rapidement, je montre aussi pourquoi. Une fois qu'on a posé cette analogie, évidemment, le cinéma intérieur, on pourrait dire d'une certaine manière, il surperforme le cinéma technologique, dans le sens où par exemple, un des phénomènes importants, c'est que, et qui est peut-être plus stupéfiant encore, c'est que au cinéma, eh bien, vous échantillonnez, donc l'image, c'est le 24 images par seconde, l'image contient tout ce qu'il y a dans une image. Alors que nos images mentales échantillonnées, elles contiennent dans ce mécanisme de cinéma intérieur que la partie à laquelle on fait attention. Autrement dit, on n'échantillonne pas à 10 ou 13 Hertz toute l'image, mais les parties auxquelles on fait attention. Et là aussi, je raconte certaines des expériences qui sont un peu déterminantes, qui permettent de montrer ça. Et peut-être le dernier point, qui est peut-être à mon sens, et c'est aussi ma casquette de neurologue, qui en ayant un pied de chaque domaine, chaque côté, me permet aussi d'avancer comme ça, c'est que l'élément le plus souvent, le plus convaincant souvent, c'est lorsque vous rencontrez des patients chez lesquels il y a une forme de désordre du cinéma intérieur. C'est-à-dire des patients chez lesquels cette machine à transformer du discret en continu ne marche pas. Autrement dit, des patients, heureusement, ils ne sont pas nombreux, et heureusement aussi, il y a certaines formes qui sont tout à fait réversibles et transitoires, mais certains autres patients ne le sont pas. Vous pouvez avoir une panne du cinéma intérieur, c'est-à-dire que vous êtes les yeux ouverts sur le monde, et plutôt que de voir un monde continu, subjectivement, hein, que votre fiction du monde soit quelque chose de continu, eh bien, vous voyez une série d'images fixes. Comme des diapos, quoi. Ça s'appelle l'akinoptésie, vous en parlez, c'est assez surprenant, effectivement. Exactement. C'est l'akinétopsie. Excusez-moi, ça c'est moi, ma dyslexie habituelle. C'est kiné pour kiné, comme pour le mouvement, le A privatif, et la vision, psy. Et donc, akinétopsie, c'est que vous ne voyez plus le mouvement. Et notamment, je raconte l'histoire d'une patiente, et vous savez, dans notre domaine, en réalité, les patients, à la fois de manière évidente, il y a une dimension humaniste qui cherche à essayer de prendre en charge, d'améliorer, d'aider, parfois de guérir les patients qui ont des maladies neurologiques ou psychiatriques, et en même temps, c'est pas un mais, c'est un et en même temps, c'est souvent dans ces conditions limites qu'on peut arriver à comprendre des choses, non seulement pour les patients, mais pour le fonctionnement de l'esprit et du cerveau en général. Et l'histoire de la neurologie, vous prenez l'aphasie de Broca, vous prenez les patients amnésiques, vous prenez toute l'histoire de la neurologie, et mes collègues Laurent Cohen ou d'autres, eh bien évidemment, notre étude des patients nous permet de mieux comprendre, en réalité, comment se passe également la cognition du sujet qui va bien. Et donc il y a une patiente qui a été explorée dans les années 80, dont je raconte l'histoire, et qui en fait a eu en réalité une panne du cinéma intérieur. Et ce qu'elle raconte, c'est, vous savez, je sais pas si en étant en France, on a tous peut-être joué enfant à ce jeu 1 2 3 soleil, c'est ça, c'est 1 2 3 soleil, exactement, contre le mur, vous comptez 1 2 3 soleil, vous vous retournez, et évidemment les gens qui sont derrière doivent rester immobiles. Donc si vous vous souvenez, quand on jouait à ce jeu-là en réalité, ou si vous jouez avec des enfants à ce jeu-là, eh bien votre perception, c'est une suite d'images fixes en fait. Simplement, entre deux images, les gens ont parcouru 5 mètres ou 10 mètres. Eh bien, cette patiente, lorsqu'elle était dans la rue, qu'elle se promenait, qu'elle voyait une voiture, sa perception, c'était un peu comme un 1, 2, 3 soleil spontané. C'est-à-dire qu'en fait, elle voit une voiture qui est quelque part à 50 mètres, et elle garde les yeux ouverts, elle ne tourne pas la tête, etc. Elle reste les yeux sur la voiture, et elle la voit immédiatement à 10 mètres d'elle ou à 15 mètres d'elle. Sans avoir, en fait, elle n'a plus la perception du mouvement. Et c'est quelque chose où, quand elle se servait un verre d'eau, son impression était de voir comme un glacier. Comme un glacier complètement immobile, en réalité, avec de l'eau, et donc qui parce qu'elle n'avait plus cette notion du mouvement. Donc évidemment, et ce que je raconte dans ce livre aussi, c'est que quand on rentre dans la circuiterie cérébrale, il s'avère que les régions qui étaient endommagées dans le cerveau de cette patiente suite à un problème vasculaire étaient en réalité des régions dont on sait, dont on a montré qu'elle joue un rôle fondamental dans cette machinerie du discret au continu, en fait. Mmh. Une région qu'on appelle la région V5 dans les deux hémisphères. C'est ça, qui a été étudiée aussi sur le modèle simiesque. C'est passionnant de dire qu'effectivement, notre cerveau passe en permanence son temps à reconstituer le mouvement, que le mouvement est en fait une création de notre cerveau. Vous allez voir qu'il n'y a pas que le mouvement. Il peut y avoir aussi des questions de couleurs et d'effets spéciaux. Ce sera dans quelques instants. In My Man de Sins Marie à 16h40 sur France Culture, toujours pour poursuivre notre soutien à la scène musicale indépendante française à l'impulsion de notre réalisateur, sous l'impulsion de notre réalisateur Olivier Bétard. Nous parlons de notre cinéma intérieur, de la conscience et du cinéma avec Lionel Nakache qui est toujours neurologue mais neurophysiologiste, chercheur en neurosciences cognitives à l'Institut du Cerveau et auteur donc de Le Cinéma Intérieur, projection privée au cœur de la conscience chez Odile Jacob. On évoquait juste avant notre petite pause musicale, juste le fait que certaines pathologies permettent précisément de mieux comprendre les mécanismes sains ou les mécanismes lorsqu'ils fonctionnent normalement, puisqu'on parlait tout à l'heure de ces états donc pathologiques où le cerveau n'arrive plus à remplir sa fonction d'illusion du mouvement. Cela peut arriver également après des accidents comme des AVC, et c'est ce que vous êtes allé voir à l'ICM, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Céline Lezenne, bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, à l'ICM, une équipe dirigée par le neurologue Paolo Bartolomeo a étudié comment des patients victimes d'AVC pouvaient arriver à interpréter mentalement ce genre d'illusion. On dit qu'ils souffrent de négligence spatiale. En mesurant leurs défauts d'attention et en identifiant les circuits neuronaux à l'œuvre, ils ont montré qu'au contraire, ces patients arrivaient à mieux capturer la réalité visuelle que les sujets sains. Ces résultats ont renforcé l'idée, l'hypothèse, que notre vision normale n'est pas une copie conforme du monde extérieur qui nous entoure, mais plutôt une reconstruction mentale que le cerveau en fait pour nous donner du sens. En somme, que ce soit vrai ou faux, ce qui compte pour le cerveau, c'est de créer sa propre logique et d'anticiper au mieux les événements à venir. On a étudié des patients qui ont un trouble de l'attention, qu'ils appellent négligence spatiale. C'est des patients qui ne prêtent pas bien attention à tout ce qui se passe à gauche dans l'espace après une lésion de l'hémisphère droit du cerveau. Eh bien, on a vu que chez ces patients, une illusion que l'on a normalement, c'est-à-dire on voit des choses qui en effet ne sont pas là, mais notre cerveau est structuré pour pouvoir donner cette impression, pour pouvoir en effet anticiper ce qui va arriver. Eh bien, on a vu qu'un type d'illusion de ce type-là ne se produisait pas dans la partie négligée de l'espace de ces patients négligents. Donc, dans la partie gauche de l'espace. C'est comme si le déficit chez ces patients, par une lésion cérébrale, leur donnait une perception, en effet, plus véridique du monde. Mais nous avons besoin de ces illusions pour fonctionner correctement dans le monde. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'un défaut perceptif en soi. Ces patients voient bien. La négligence ne dépend pas d'un trouble de la vision. C'est des patients qui voient, qui peuvent voir parfaitement dans le champ gauche, mais se comporter comme si la moitié du gauche du monde n'existait plus. C'est au niveau du traitement de l'information dans le cerveau, dans le lobe occipital. Alors, le traitement dans le lobe occipital peut être tout à fait normal. Ce qui est déficitaire, c'est le traitement attentionnel. C'est quelque chose qui se passe un peu plus en haut dans le cerveau par rapport au lobe occipital. C'est des vastes réseaux qui vont du lobe pariétal, qui est dans l'arrière du cerveau un peu plus haut que le lobe occipital, et vont jusqu'au lobe frontal, qui est la partie antérieure du cerveau, un peu plus en haut par rapport au lobe occipital. Et c'est exactement ce type de patients que nous avons étudiés. Quelle était l'illusion d'optique, l'exercice que vous avez soumis à ces patients-là pour mettre en évidence leur défaut de traitement, de l'analyse du mouvement? Voilà, donc on voit une roue qui bouge, même la moitié d'une roue, parce qu'on a montré donc ces stimuli dans le champ visuel gauche des patients. Une roue divisée en plusieurs secteurs qui bouge vers le haut ou vers le bas. Et il y a une ligne rouge ou verte qui est présentée, une ligne horizontale sur cette roue qui bouge. Or, l'illusion qui est très puissante est de voir la ligne horizontale déplacée dans la direction du mouvement de la rue. C'est-à-dire qu'en fait, on voit alternativement le segment vert suivre le mouvement du cercle vers le haut ou bien le segment rouge qui suit le mouvement de la roue vers le bas. Ce qui donne l'illusion de voir le segment tantôt vers le haut et tantôt vers le bas. Exactement. Alors que si on met par exemple un stylo sur les segments vert ou rouge, quand ils apparaissent, on voit très clairement qu'ils sont sur l'horizontale. On pourrait même faire un arrêt sur image et constater qu'en fait notre cerveau nous dupe et que les deux segments sont réellement horizontaux et pas du tout orientés vers le haut ou vers le bas, comme on a l'impression de le voir. Exactement. Et ce que l'on a vu et qui nous a effectivement surpris est de voir que les patients négligents, par contre, voyaient ces lignes sur l'horizontale, donc ne subissaient pas l'illusion. Donc ils voyaient ces lignes comme elles étaient présentées vraiment. Donc eux, ils voyaient en même temps les deux segments rouge et vert parfaitement horizontaux. Tout à fait, oui. Mais encore une fois, cette illusion, c'est quelque chose qui montre que le cerveau essaye d'établir à l'avance ce qui va se passer, de prévoir comment il sera le monde dans quelques millisecondes ou dans quelques secondes. Et c'est ça que cette illusion nous enseigne, c'est ça que les patients n'arrivaient pas à faire. Qu'est-ce que vous avez pu voir au niveau de l'imagerie quand vous comparez un cerveau sain, entre guillemets, et ceux avec une lésion à ce niveau-là, sur les circuits neuronaux, le réseau? Donc on sait que l'attention ne dépend pas d'une localisation spécifique dans le cerveau, mais elle dépend plutôt des vastes réseaux qui relient la partie postérieure à la partie antérieure du cerveau. C'est le fonctionnement intégré de ces réseaux qui nous permet d'orienter notre attention dans l'espace. Et ça vraiment, à l'IRMF ou en EEG, c'est des choses qu'on peut voir visuellement, ces zones qui communiquent entre elles, qui fonctionnent ou dysfonctionnent dans les deux cas? Absolument, oui. À l'EEG, on ne peut pas tellement voir parce que la résolution spatiale n'est pas... Oui, mais temporelle, elle est meilleure. Au point de vue temporel, oui, on peut voir des activités qui sont liées à ce type d'orientation de l'attention. Et à l'IRMF, on les voit très bien, par contre, on voit très bien ces réseaux. Et on peut même voir les faisceaux de substances blanches, les autoroutes qui connectent ces parties qui sont lointaines entre elles. Et quand il y a une dysfonction, surtout, on a vu dans notre labo, au niveau de ces voies de communication, quand les câbles disons, sont coupés, par exemple, par un AVC, on a les cas les plus graves de dysfonctionnement des réseaux de l'attention et donc de négligence spatiale. Voilà le reportage de Céline Lezem à l'Institut Cerveau à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Lionel Nakache, peut-être une réaction rapide à cette application, oui. à cet exemple de oui. ce que nous disions tout à l'heure en première partie d'émission. Oui, bien sûr, c'est un excellent exemple et Paolo est un voilà, illustre comme moi ou nos autres collègues, c'est un collègue excellent et qui permet d'illustrer comment en étudiant les patients neurologiques, on peut mieux comprendre le fonctionnement. En étant très rapide, eh bien, on voit, si vous voulez, si on reprojette ce que Paolo nous a raconté par rapport à ce que je vous disais auparavant, eh bien, l'idée, c'est que dans la négligence, on considère que la négligence, comme Paolo le disait, c'est pas une maladie de la perception, mais c'est vraiment une maladie de l'attention. On n'arrive pas à vraiment faire attention au monde qui est à côté, qui est à la partie gauche de l'univers, en partie. Et dans ce cas-là, si vous vous souvenez, les deux directions du cinéma intérieur, le bottom-up et le top-down, ce qui vient en nous de l'extérieur et ce qui descend de nous vers les régions les plus périphériques de la vision, eh bien, en réalité, dans la négligence, on a plutôt l'impression que c'est ces mécanismes top-down qui sont un peu appauvris, ce qui explique ces situations expérimentales dans lesquelles on peut avoir un comportement tel qu'il l'a observé. Et peut-être un dernier mot là-dessus, eh bien, les patients négligents et mi-négligents comme ceux que Paolo explore ou que nous avons étudiés, on se rend compte que lorsqu'on leur demande d'imaginer des images mentales, ils ont les mêmes problèmes ou les mêmes avantages, en tout cas les mêmes difficultés que dans la perception. Et la nuit, lorsqu'ils rêvent, eh bien, on peut montrer également que la partie gauche de leur scène onirique souffrent des mêmes difficultés que dans la perception. Donc la négligence est aussi une des manières de montrer cette unification entre la perception, l'imagerie et le rêve, par exemple. Ce qui est intéressant, peut-être brièvement, parce que j'aimerais qu'on étende un peu dans les dernières minutes de cette émission le débat à des considérations un peu plus larges, telles que vous le faites à la fin du livre, mais peut-être un mot très rapide pour dire que de la même façon que notre cerveau reconstitue le mouvement, hein, en tout cas c'est l'interprétation que vous en faites, Lionel Nakache, vous nous expliquez dans le deuxième chapitre, qui s'intitule « T'as de beaux yeux, tu sais », comment notre cerveau reconstitue aussi la couleur de la perception. Nous ne percevons a priori pas toute la réalité en couleur. Exactement, et c'est pas uniquement les yeux de Michel Morgan, voilà, c'est d'où le tas de beaux yeux, tu sais. Mais effectivement, en fait, une des grandes découvertes, et une façon de prendre ces découvertes, c'est ce que disait, on revient même d'ailleurs à votre sujet initial de 1966, qui est fascinant, c'est que si on compare ce qui se passe dans l'œil et ce que nous percevons, eh bien, quand on compare ce que l'œil sait faire et ce que nous percevons subjectivement, la différence entre les deux nous donne à voir tout ce que le cerveau, en fait, fait comme travail actif de construction, d'invention, de narration. Et parmi ces phénomènes, parmi ces effets spéciaux de ce cinéma intérieur, il y a effectivement la colorisation. Il y a une sorte de technicolor du cinéma intérieur. C'est-à-dire, pour aller très vite, que si tout se passait, en fait, dans la perception, comme ce qui se passe sur la rétine, eh bien, sans faire de trop gros raccourcis, on devrait voir en couleur et de manière très précise le point qu'on fixe de notre regard. Imaginons que chacun des auditeurs et auditrices regarde devant lui, eh bien, le point central puisse à peu près, disons, 2 degrés autour. On devrait voir le monde en haute résolution et en couleur, et on devrait percevoir tout le reste essentiellement en une très basse résolution et essentiellement dans des teintes de noir et blanc avec très peu d'informations colorées. Or, c'est pas ça ce qui se passe. Et pourquoi c'est pas ça ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a une uniformité de perception, donc de fiction de la couleur cette fois-ci, c'est que notre cerveau fonctionne par colorisation de ces régions qui sont appauvries. Et on peut rentrer dans les mécanismes. Comment est-ce qu'on colore? Comment est-ce que ces phénomènes opèrent? Et là, évidemment, on peut rentrer dans le détail. C'est ce que je fais dans ce livre. On n'a pas le temps de le faire maintenant, mais moi, ce que j'aimerais qu'on évoque pour conclure, Lionel Nakache, et ce que je trouve super, c'est que à travers ces deux exemples que l'on vient de donner, plus d'autres que vous détaillez dans ce livre, c'est de dire qu'on arrive à cette conclusion que je trouve très forte aujourd'hui, en 2020, dans l'époque que l'on connaît, c'est que spontanément, notre cerveau ne cherche pas à nous rendre compte de la vérité, mais il recherche à nous rendre compte de quelque chose qui fait sens pour nous, c'est-à-dire d'une interprétation qui fait sens. Voilà, absolument. Nous faisons sens, alors. Et j'aime bien dire nous faisons sens parce que, non pas pour poser le cerveau en différence de nous dans une vision un peu dualiste, c'est que nous faisons sens. Simplement, le nous, il est compliqué parce qu'il y a des facettes non conscientes en réalité. Mmh. Et c'est pour ça que c'est difficile d'en prendre conscience. C'est que une grande partie de ce phénomène de narration et de fiction, de fabrication du sens, il opère en amont de la prise de conscience. Mais quand nous en prenons conscience subjectivement, nous continuons à travailler sur ce matériau de signification. Et ça, c'est très important. Vous le disiez tout à l'heure, à l'instant même. C'est que dans la période contemporaine aussi, c'est un des éléments que je discute aussi à la fin, c'est que je pense qu'une fois qu'on prend conscience de ça, en ayant vraiment la généalogie de ce qu'on a essayé de parcourir, là, je crois qu'il y a deux écueils. Le premier écueil, c'est de dire, en fait, d'être aveugle à nos fictions, de croire que quand j'ai les yeux ouverts, c'est le monde que je vois. Mmh. Et là, avec tous les écueils de penser être en prise directe sur le monde, de penser que ma perception, c'est le monde, et donc d'effacer toute la partie qui vient de moi, en réalité. Et l'autre écueil, qui est quand même très important aussi, c'est que au nom d'une sorte de mauvaise foi, au nom d'une sorte de scepticisme radical, de se dire, eh bien, si le monde que je perçois n'est pas le monde réel, alors je ne suis tenu à aucune responsabilité et je peux dire n'importe quoi d'une certaine manière en accélérant. Et c'est pas ça ce que je dis, parce qu'en réalité, ce qui me semble le plus important, et c'est ce qui rend la chose intéressante et complexe, mais courageuse aussi, c'est que le monde que nous percevons, d'abord, nous en faisons partie, donc notre perception du monde, elle fait partie du monde, et elle a des conséquences. Ce que nous pensons, ça a des conséquences sur le monde, donc on n'est pas à côté du monde, on est dans le monde. Et cette perception du monde qu'on a, cette conscience qu'on a des choses, elle n'est pas directement les choses, mais elle recèle d'indices très précieux sur les choses et sur nous-mêmes. Donc il y a vraiment une possibilité d'aller à la découverte de soi et du monde en ayant ce que j'appelle, moi, tenir la bonne distance par rapport à nos pensées, c'est-à-dire ni une distance crédule de dire « je pense que c'est comme ça » et c'est pas autrement, et ni une distance totalement, on pourrait dire, sceptique radicale, de dire en fait ce que je dis, ce que je pense n'a aucune valeur puisque ça peut être n'importe quoi. Et trouver la bonne distance, de prendre très au sérieux ce qu'on pense, en sachant que ce qu'on pense est une construction qui fait sens de ce qui est autour de nous, eh bien cet exercice-là, il y a une forme d'éthique, on pourrait dire générale, hein, et comme vous le disiez, je suis très content qu'on puisse finir par cet entretien, par ces questions. On peut élargir ce cinéma intérieur vers quelque chose de beaucoup plus vaste, en fait. Mmh. Non, mais puis c'est vraiment passionnant, je trouve, d'arriver à cette question, alors en l'étendant effectivement aux problématiques aujourd'hui de ce que l'on peut poser dans cette quête de vérité, ou en tout cas dans cette notion de vérité qui est distordue dans tous les sens, à partir du moment où on se dit que notre propre position au monde est une position interprétative. Moi, ça, je trouve, en fait, cette idée-là, je trouve ça génial, quoi. Ah bah c'est gentil, non, mais c'est vrai, génial, super. C'est très important, et surtout de comprendre que cette position interprétative, elle fait partie du monde. Parce que parfois les gens se pensent en dehors du monde, se disent en fin de compte, ma perception du monde, c'est comme si on voyait le monde d'à côté. Mais en fait non, on fait partie du monde, et de certaine manière, là il y a une vraie éthique, ou même une forme de morale, on pourrait dire. C'est que notre perception du monde, notre interprétation du monde, comme vous disiez, elle va porter à conséquence sur le monde lui-même et sur nous-mêmes. Donc il y a une éthique à creuser, de savoir qu'on est les interprètes de ce monde. Voilà. Ni une caméra qui traverse, qui envoie des images directement, ni quelque chose qui tourne à vide, on est des interprètes du monde. Il y a une sorte de travail d'interprétation permanent, en fait. Vous avez la curiosité, pour conclure, Lionel Nakache, puisque tout ça, c'est évidemment partir du point de détail initial, de dire que finalement, le monde est une succession d'états discrets que nous transformons en continuum, et on retrouve une fois de plus, comme vous le disiez, les travaux de Carlo Rovelli, qu'on aime évidemment beaucoup à la méthode scientifique, et moi en particulier. Et vous avez pensé justement essayer de travailler avec un physicien théoricien sur quelque chose qui pourrait donner lieu à une interprétation neuroscientifique, physico-métaphysique, philosophique du monde, je sais pas, quelque chose comme ça. Bah écoutez, en tout cas, c'est une question que je me pose. C'est-à-dire qu'en réalité, ce livre-là, et je le dis un peu à la fin, ce livre-là, il est vraiment né sur cette question du discret et du continu, mais en le préparant, en le pensant, en fait, en l'imaginant, je me suis rendu compte que la question était trop vaste. Donc j'ai commencé par le cinémateur pour poser les jalons de ce que ça veut dire, cette machine à interpréter le monde, etc. Et l'étape d'après, je ne sais pas si je l'achèverai, c'est une réflexion. Alors il y a eu le Covid, et comme médecin, je suis pas réanimateur, mais on est très occupé, etc. Donc ce livre-là, je l'ai écrit l'été 2019, là, cet été-là, je n'ai pas écrit, mais j'ai continué à réfléchir à ces questions, et effectivement, il y a des dialogues, en tout cas, j'aimerais bien échanger, effectivement, avec des collègues physiciens, théoriciens et avec des mathématiciens sur cette question du discret et du continu. Et pour le dire très rapidement, je pense que là, il y a une dimension politique aussi, très forte. C'est qu'une des questions qui se posent, c'est est-ce qu'on doit se concevoir et s'interpréter nous-mêmes comme une entité autonome qui est posée dans le monde, mais qui a une entité discrète, qui est séparée des autres, hein, je vous rappelle, deux nombres discrets, il n'y en a pas un autre entre les deux. Et deux nombres continus, il y en a une infinité entre les deux. Donc, est-ce qu'on est discret, ou est-ce qu'on doit s'interpréter comme une sorte de petite partie d'un grand tout auquel on appartient et auquel on est indissociable? On voit qu'on peut projeter la question du discret et du continu, presque de la particule et de l'onde, si on prend un côté physique, et que cette conséquence-là, et qu'il y a les deux facettes, évidemment. Et que je pense que cette question qui est fascinante d'un point de vue théorique, elle a même des portées éthique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pense notre rapport à l'écologie, eh bien, au monde, aux autres, à la société, aux autres absolument. Humains, etc. Écoutez, donc c'est vertigineux. Lionel Nakache, j'espère que votre appel sera entendu. Encore une fois, je sais que Carlo nous écoute de temps en temps, peut-être que, je sais pas, voilà, en espérant qu'il soit reçu et que vous ayez des retours de cela. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité, Lionel Nakache, le cinéma intérieur, projection privée, au cœur de la conscience, un livre passionnant, un livre à lire chez Odile Jacob. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'était Ludovic Auger aujourd'hui à la technique. chronique. Demain, c'est un vendredi fiction. Baissez le menton, fermez les yeux, faites pénitence et confiez vos péchés. Oui, mais à qui ? À quel clergé ? Monothéiste, polythéiste, à un ordre matriarcal autoritaire, représentant d'une nef spatiale devenue démiurge. Demain, on parle science-fiction et religion. So say we all demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.